vois pas. Comment ça pouvait adapter c'est pas des lunettes. Non, optical center. Alors tu as dit que. Il y a 40%. Ah, ils sont bien, ils sont bien. Ah, ouais. On voit bien. Non, moi non plus. Moi, c'est de près. Oh, moi, je ne vois pas de près. Tiens, la grosse tête. C'est normal. Vous voyez, Vincent, c'est qui veut tes lunettes. Oui, il a mis de côté. Ah, mais lui, mais ça fait rien. Viens, Scott, mets-toi là. Viens. Attends, il fallait chercher le matin. Ah oui, c'est vrai qu'on voit mieux. Optical center. T'as pas besoin d'un contact, tu vas là-haut. Non, tu vas en bas. Ah, tout de même. Et tu mets tes lunettes. Pour aller chez Optical, tu mets tes lunettes. Ah, il faut que tu vois, c'est Optical. Putain, tu m'as fait perdre.